Ainsi s'achève cette expérience hors des codes. Une expérience menée par O Bruxo, le sorcier du nord-est brésilien Hermeto Pascoal. Avec ses claviers, son saxophone alto, sa trompette de poche, sa corne et son piccolo. Et avec à ses côtés d'excellents apprentis sorciers, Paulo Moura, invité au saxophone soprano, Carlos Malta à la flûte, au saxophone soprano, ténor et baryton, Jovino Santos Neto au clavier, Itibere Suarge à la basse, Marcio Baia à la batterie et Pernambuco aux percussions. Cette potion magique était constituée exclusivement de compositions originales que l'on doit à Hermeto Pascoal, en commençant par ce medley qui réunissait Foro da Gota, Seri de Arco, Sentino Antos de Jaber, suivi de Quiabo et de Frevo e Maceo, qui fut enchaîné pour conclure avec Nivaldo. Ce concert a été enregistré à l'époque pour Radio France par l'ingénieur du son Robert Triquet et son équipe. Merci à eux et à nos partenaires de l'INA, à Christelle Rousseau et Marie Jarros, qui ont conservé et documenté ces archives sonores, à Christophe Jolibois, qui les a restaurées pour cette émission, et à Marine Decamp, qui nous offre les images insolites d'Hermeto Pascoal, jouant de la flûte et même de la corne immergée dans une piscine. Nos collègues Lucie Bombled et Clémence Guinard en ont fait une super vidéo Culture Prime à retrouver sur francemusique.fr à la rubrique Les Légendes du Jazz, tout comme sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Samedi et dimanche prochain, nous allons partager avec vous des archives rares que nous venons de retrouver grâce à Viviane Lefebvre, documentaliste multimédia à l'INA. Le 22 janvier 1986, au New Morning à Paris, se produisait le saxophoniste et multi-instrumentiste Eddie Harris, avec à ses côtés Ralph Armstrong à la basse et Sherman Ferguson à la batterie. Ce n'était pas gagné d'avance car les conditions de prise de son étaient vraiment complexes ce soir-là. Mais quand nos collègues de l'INA s'emparent des bandes magnétiques d'origine, ils font des miracles. Des miracles, il y en a aussi dans ce studio, avec Emmanuel Lacaze pour notre site internet et nos vidéos, Tahar Bouklifa à la prise de son et David Jakuboviez à la réalisation. À 19h sur France Musique, Laurent Valero nous accueille avec une chanson qui est magnifique. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous Jérôme Badini et de très bonnes légendes du jazz samedi et dimanche prochain sur France Musique bien sûr. Repassez-moi le standard. Bonsoir à toutes et à tous. Au programme de Repassez-moi le standard ce soir, une somptueuse chanson Good Morning Heartache, bien plus connue que sa compositrice Irene Higginbotham, qui en produisit tout de même une cinquantaine de chansons tout au long de sa carrière, dans un univers, celui de l'industrie musicale, totalement dominé par les hommes, et où les femmes compositrices, arrangeuses ou autrices n'avaient, et c'est un euphémisme, que très peu de visibilité. C'est avec Dan Fisher qu'elle composa ce thème, dont les paroles furent écrites par Ervin Drake. La chanson a été créée en 1946 et sera enregistrée pour la première fois par Billie Holiday à une période où la chanteuse cherchait à renouveler son répertoire. Good Morning Heartache est un peu l'archétype de ce que les Américains appellent la torch song, qui épouse la structure du blues et dont le thème traverse toute la gamme des amours contrariés. chanson allait comme un gant, et pas seulement à cause de la vie chaotique et tourmentée qui fut la sienne, en fera une des signatures de son répertoire. Dans Good Morning Heartache, on s'adresse au chagrin d'amour comme s'il était une personne hélas trop familière et qui a une fâcheuse tendance à s'incruster en vous, vous filant le blues du dimanche et même du lundi. Loin de moi cependant l'idée de vous filer le blues en ce début de soirée, et si j'en crois les quelques échos qui me parviennent parfois, cette émission agit pour certains comme un remède à la mélancolie du dimanche soir précisément. Et comme il n'y a pas de mal à se faire du bien en écoutant une chanson triste, je vous propose de commencer en écoutant Billie Holiday dans ce qui fut le premier enregistrement discographique de cette magnifique ballade. C'était en 1946 avec l'orchestre de Bill Stegmaier. Good morning, honey, you old gloomy sight. Good morning, honey, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone, but here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. Got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. La toute première version discographique de Billie Holiday, c'était en 1946. L'excellent pianiste Bobby Tucker fut à partir de 1946 précisément l'accompagnateur de Billie Holiday, qu'il rencontra au club Downbeat à New York et qui l'accompagnera jusqu'en 1949, date à laquelle il démissionnera face aux menaces du compagnon de l'époque de la chanteuse. Il deviendra par la suite l'accompagnateur attitré du chanteur Billy Eckstine. En 1955, ce pianiste que l'on entendait peu en soliste grave une version tout en délicatesse et intériorité de Good Morning Heartache avec George Duvivier à la contrebasse et Jimmy Crawford à la batterie, une version également très moderne dans l'approche stylistique. Thank you. Extrait du remarquable album du pianiste Bobby Tucker en 1959. C'était Too Tough, le nom de cet album, sur le label Jammy. Et nous écoutions ici le pressage français réalisé chez Barclay. Bobby Tucker qui était en compagnie de Georges Duvivier à la basse et Jimmy Crawford à la batterie. Cette même année 1959, c'est la chanteuse Chris Connor, une chanteuse dont j'aime particulièrement le timbre de voix, qui enregistre Good Morning Heartache avec le pianiste anglais Ralph Sharon à la direction d'orchestre. La dimension du blues, vous allez l'entendre, y est très présente et Chris Connor tout à fait à son aise dans le style torch song. Je vous conseille aussi la version qu'elle gravera bien plus tard en 1983 avec Fred Hirsch au piano. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dark. wish I'd forget you, but you're here to stay. Seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, sit down. Stop hurting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. You're the one who knew me when. I might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. In all my misery, you've been a friend. Chris Connor en 1959, extrait de l'album Sings Ballads of the Sad Café avec le pianiste britannique, américano-britannique Ralph Sharon, qui lui aura été l'accompagnateur durant de très longues années du grand Tony Bennett. France Musique, Repassez-moi le standard, Laurent Valero. Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Good morning, heartache. Heartache, sit down. Une présence très forte que celle du grand Joe Williams, qui accéda à la notoriété comme chanteur de l'orchestre de Count Basie dans les années 50. Sa voix profonde de baryton excelle ici à traduire les sentiments de la chanson dans cet enregistrement dirigé par le pianiste Jimmy Jones à l'intérieur du bien nommé album Me and the Blues en 1964. Une autre grande figure du jazz vocal dont la carrière s'étend sur des décennies, où son timbre légèrement voilé a toujours fait merveille, surtout dans les ballades, c'est bien sûr Ellen Merrill dont je parle. Nous sommes ici en 1963 dans un disque qu'elle grave au Japon avec des musiciens du cru, premier d'une longue série d'allers-retours au pays du soleil levant. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Stop haunting me now. Can't take you nohow. Just leave me alone. I've got those Sunday blues straight through to Monday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Ellen Marilyn Tokyo, c'était en 1963 un des très beaux albums, il y en a beaucoup, de la chanteuse. Et l'album était donc son premier. Elle était entourée de Norio Maeda au piano et aux arrangements, Akira Nakano à la trompette, Shigeo Suzuki, Tadayuki Harada au saxophone, Tatsuro Takimoto à la basse et Takeshi Inomata à la batterie. Les ballades lentes ont toujours été un terrain privilégié d'expression pour les saxophonistes qui ont abondamment repris Good Morning Heartache. Johnny Griffin, Sonny Rollins, Joe Henderson, George Coleman, pour n'en citer que quelques-uns, en ont donné de fort belles versions. Je vous propose de filer dans les années 70 avec celle du saxophoniste alto Hank Crawford, un soufflant à la voix puissante, spécialiste de soul et de R&B, qui fut connu, lui, pour sa collaboration avec Ray Charles. On le retrouve ici en 1973 dans cette version qui oscille entre la ballade et les rythmiques soul pour le label City Eye de Creed Taylor sous la direction musicale de Bob Shadd. Thank you. Hank Crawford au sax alto avec Richard T. au clavier, Joe Beck à la guitare et Bob Cronshaw à la contrebasse avec aussi Idriss Muhammad à la batterie dans l'album Wildflower, en 1973. On restera dans une ambiance musicale assez voisine avec Natalie Cole, la fille de Nat, ici sur les traces d'Aretha Franklin. C'était un petit peu la nouvelle Aretha. Et c'est en 1976 avec ce disque arrangé par Richard Evans, toujours inspiré. Good morning, heartache. You old gloomy sight. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I tossed and turned until it seemed that you had gone. But here you are with the dawn. Who wish I'd forget you, but you're here to stay. Yeah. It seems I met you when my love had gone. Good morning, heartache. What's new? Stop haunting me now. Can't shake you. Good morning, heartache. Why don't you sit on down? Sit down. Natalie Cole en 1976 dans l'album intitulé tout sobrement Natalie, paru chez Capitol Records. Lui est un pianiste de jazz légendaire, marqué aussi très fort par le blues et qui fut un des premiers musiciens enregistrés avec la toute jeune Aretha Franklin, pas encore superstar de la soul. Je veux parler bien sûr de Ray Bryant et de son style instantanément reconnaissable. Il enregistre ici en public et en Suisse Good Morning Heartache en 1999 dans l'album Inimitable. Musique, repassez-moi le standard. Laurent Valero. Nous écoutions le pianiste Ray Bryant en 1999. L'occasion maintenant de rendre hommage à présent à Patty Waters, une chanteuse qui nous a quittés au mois de juin dernier et qui s'était faite connaître dans l'univers du free jazz dans les années 60 aux États-Unis. C'est Albert Ayler qui la présenta au producteur de jazz expérimental du label ISP Disc, qui sortira avec elle deux albums, Sinks en 1965 et College Tour en 1966. Après une longue interruption de sa carrière de chanteuse, elle reprendra le chemin de la scène dans les années 90-2000. Je vous propose d'écouter sa déchirante version de Good Morning Heartache, enregistrée en public à San Francisco en 2005 avec Leonard Thompson au piano et Seward McCain à la contrebasse. Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I tossed and turned until it seemed you had gone. But here you are. You're here to stay. It seems I met you when my lover went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Thank you. can't shake you nohow. Just leave me alone. I've got those Sunday blues, straight through Monday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. Sit down. La chanteuse Patty Waters avec Leonard Thompson au piano et Siwan McCain à la contrebasse dans ce disque enregistré en public à San Francisco, Happiness is a Thing Called Joe. Là, maintenant, la chanteuse française Camille Berthaud. Partenaire, cette fois, de l'excellente éclectique pianiste autrichien David Elbock dans un disque récent paru en 2022. Bonsoir a ici remplacé bonjour. Bonsoir, mal de cœur, on se connaît bien. Il semble être l'heure de trinquer à mon chat. Invite-moi pour quelques pas de danse. On dansera à ma souffrance. Bonsoir, mal de cœur. Oui, je me souviens. Du goût du bonheur fondu au creux de tes mains. Laisse-moi m'assoupir sur ton épaule pendant que tu joues ton rôle. Hey, taillé sur mesure à la vie, à ses tourments. À quoi bon essayer de m'en dévêtir s'il n'est plus là de sourire. Thank you. à quoi bon ouvrir ma porte à un absent, mon cœur au néant. Bonsoir, mal de cœur, tu es comme un vêtement taillé sur mesure à la vie, à ses tourments. À quoi bon essayer de m'en dévêtir? Bonsoir. La chanteuse Camille Berthaud, adaptatrice ici en français de Good Morning Heartache, avec la complicité de l'extraordinaire pianiste autrichien David Elbock, c'était dans l'album Playground en 2022. Terminons cette émission avec une version instrumentale qui nous porte plus vers la rêverie que l'angoisse existentielle des relations amoureuses compliquées, avec ici deux musiciens d'exception, poètes de leurs instruments respectifs, Bill Frisell à la guitare et Gary Peacock à la contrebasse. Thank you. Ainsi prend fin cette émission consacrée à Good Morning Heartache avec Gary Peacock ici à la contrebasse et Bill Frisell à la guitare, c'était dans l'album Just So Happens. Merci à Thomas Guignogagne, la technique aujourd'hui, et à Delino Mello au mixage pour cette émission. Merci également à Annie Comier qui met à jour la page sur l'application Radio France, sur le site internet de France Musique, et à Romain Courturier à la discothèque de Radio France. Une petite annonce de concert, mercredi 26 février, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, à 19h30, Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Un très beau spectacle autour de textes d'Aragon, mis en musique pour la plupart pour la première fois par David Venitucci à l'accordéon et interprété par la chanteuse Annie Cizaruc. Ce sera au Quibellé à Paris, dans le 10e arrondissement, 10 rue de l'Échiquier, un spectacle à ne pas manquer, et j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler la semaine prochaine. Ma première année à Paris a été vraiment de tâtonnements. Et puis après, j'ai entendu du Messiaen, et d'après ce qu'on a raconté au conservatoire, la curiosité a été très forte. Parce que à ce moment-là, sa réputation parmi les autres élèves, c'est un fou, on ne sait pas trop ce qu'il fait, etc. J'ai dit, autant aller voir le fou que les autres, parce qu'il sera certainement plus intéressant. Pierre Boulez, une vie sur le ring. Tout savoir sur une compositrice ou un compositeur, sa vie, son œuvre, en 5 épisodes. Les sagas musicales de France Musique, à retrouver sur le site et l'appli Radio France. Améliorez votre expérience d'écoute de France Musique grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et de données plus complètes sur la programmation musicale. Plongez au cœur de la radio en qualité numérique. C'est gratuit, sans abonnement ni connexion Internet. France Musique vous accompagne en haute définition grâce à la technologie DAB+. Plus d'informations sur ensemble-pour-le-dab+.fr. France Musique augmentée. Toutes les émissions, les podcasts, des vidéos, 10 web radios, tout France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer. France Musique. La semaine prochaine, je vous proposerai Sophisticated Lady, et à cette occasion, la violoncelliste Nesrin Belmok et ses partenaires vous proposeront un démarquage de ce thème en direct dans l'émission. Il est 20h, la soirée continue bien sûr sur France Musique, en compagnie de Thomas Vergrache et de toute l'équipe du Carrefour de la Création. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Ce soir, on part à l'improviste à 21h dans l'émission d'Anne Montaron avec la voix de Beñata Chiari, la batterie de Ramon Lopez et le trio Future Folk dans une session live captée en janvier dernier au Carreau du Temple à Paris. Anne Montaron qui vous fera également entendre à 23h la création mondiale de Megumi Okuda, une œuvre composée avec la collaboration du GRM. À 22h, on célébrera le centenaire de Marius Constant avec les concerts de la création d'Arnaud Merlin, et à 23h30, l'expérimental de François Bonnet recevra la musicienne Valentina Muksic. Mais pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Laurent Villarem à 20h45 pour son journal de la création, et tout de suite, en piste contemporain avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. France Musique, en piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Bonsoir à tous et bonsoir Émilie Munera. Bonsoir Rodolphe Bruno Boulmier. On se dit rarement nos noms. Hein. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir comme ça, voilà, de l'entendre dans votre bouche. Est-ce qu'on va donner les noms des compositeurs ou juste les prénoms ? Alors écoutez, vous allez avoir bientôt Nico et Pierre, Philippe et José Manuel du trio de percussion ou du quatuor à cordes et pour commencer, de l'orgue. Ellis Island de Meredith Monk, et c'est James McVinnie qui est un organiste britannique qui a été organiste assistant de l'abbaye de Westminster de Londres, de la cathédrale Saint-Paul ou du Clare College de Cambridge. Et c'est un amoureux de la musique de son temps depuis ses débuts. Il défend le répertoire contemporain et particulièrement les minimalistes américains comme Philip Glass. Son dernier disque s'appelle Dreamcatcher, l'attrape-rêve, et c'est un programme, dit-il, qui reflète ses goûts musicaux et surtout qui regroupe des œuvres d'artistes avec lesquels il est lié. On y croise donc Meredith Monk, Gabriella Smith, John Adams, Bryce Dessner ou encore Nico Muhly, avec qui il a beaucoup travaillé puisque ce dernier lui a écrit un cycle qui s'appelle « Cycle ». De 13 pièces justement qu'il a enregistrées sur son tout premier disque. Et sur ce nouvel opus, il donne le premier enregistrement de Patterns, donc une autre de ses œuvres qui date de 2013. Et c'est une musique en mouvement perpétuel dont voici le final. Thank you. Patterns de Nico Muhly par James McVinnie. Et je trouve que l'orgue va bien à la musique contemporaine. J'aime beaucoup quand on a des disques d'orgue. Ah, pourquoi ? Ah, je trouve que parfois, ça peut être compliqué. D'accord. Je ne vais pas donner d'exemple. Ok. Alors, l'orgue... Mais j'en ai un en tête, évidemment. Oui, bah, je ne sais pas. Je pense à certaines musiques. L'orgue va bien à James McVinnie, mais le piano aussi, puisque certains morceaux sont joués au piano sur ce disque. Les classiques de la contemporaine. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Alors en tout cas, moi j'aime beaucoup la musique d'Harrison Birtwistle qui est ce soir notre classique de la contemporaine parce que je trouve que c'est une musique organique, géologique, presque intemporelle. Elle creuse dans les profondeurs pour en retirer la densité, le poids d'un passé qui serait en l'absence de l'homme. C'est moi qui ai écrit tout ça, je n'ai pas bravo, lu. Bravo Rodolphe. Je me suis dit, tiens, à quoi me fait penser la musique de Harrison Birtwistle ? Eh bien, on va écouter une pièce qui s'appelle Earth Dances. C'est une œuvre forte, ce sont d'énormes masses sonores qui se déplacent lentement, de manière assez menaçante. De longues notes soutenues sont interrompues par des coups de foudre. C'est une procession, comme souvent d'ailleurs dans cette musique. Et on a l'impression que quelque chose, c'est une sorte de planète qui tourne sur elle. Et évidemment, cette planète, c'est peut-être notre monde, en tout cas, c'est ce que semble dire cette partition. L'œuvre est dédiée à Pierre Boulez. Pierre Boulez qui l'a ici enregistré avec le Modern Orchestra, l'ensemble Modern Orchestra. Et je me disais, Harrison Birtwistle n'est pas le compositeur du temps présent le plus connu. Et très peu enregistré. Très peu enregistré. Oui, et pourtant, grand compositeur britannique. En 1975, il devient le directeur musical du National Theatre de Londres. Et il a été un grand professeur de composition au King's College de Londres. Voici une belle partition. Alors, elle dure une demi-heure. Je sais que notre réalisatrice Céline Parfenov voulait l'écouter dans son intégralité, mais on ne pourra pas. Donc on va écouter le début de Earth Dances.